Pour toi, amour, me torturer. Que dois-je pour ce faire? Pardonner. Être puni de toi. As-tu donc tout vu pour m'en laisser là? Je sais.